السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، أسمن باسي بحمد الله تبارك وتعالى nous avons parlé de Ghazwat al-Ta'if et du Hisar qui a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba radiyallahu anhum. Et avant cela, lorsque Hawazin avait fui à Autas, les croyants n'ont pu ouvrir Al-Husn, la forteresse, Al-Hisn. Ils sont donc repartis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avions mentionné, avait laissé Al-Ghanaim, le butin, dans un endroit qu'on appelle Al-Di'arana. Il y avait et les richesses de Hawazin, leurs biens et leurs proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc revenu à cet endroit, l'endroit où il y avait le butin. Mais il ne s'est pas pressé de partager le butin entre les compagnons radiyallahu anhum. Il a plutôt patienté plus d'une dizaine de jours. Dans les textes, plus d'une dizaine de jours, entre 13 et 19 nuits. Et dans le hadith, il y a plusieurs ahadiths sont apportés dans Sihah. Il y a le hadith de Miswar radiyallahu anhu, par exemple. Quelle était la sagesse de cela? La sagesse de retarder le partage, c'est l'espoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir cette tribu embrasser l'islam. La sagesse de cela est de voir ces tribus embrasser l'islam. Et plus tard, lorsqu'ils se sont convertis, mais après avoir tardé, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont demandé la restitution du butin qui leur a été pris. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas accordé cela. Il leur a plutôt donné le choix entre l'une de deux choses. La première, récupérer tous leurs biens. La deuxième, récupérer tous leurs proches. Et finalement, ils ont choisi de récupérer leurs proches et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé leurs biens. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Et je vous ai attendu ». Il ne s'est pas pressé de partager le butin. Il a retardé cela à un point où certains parmi les compagnons se sont montrés et ils ont réclamé au prophète alayhi salatu wassalam. Après leur conversion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux compagnons. Et il leur a dit, Inna ikhwanakum ha'ula ja'u ta'ibi, vos frères que vous voyez sont venus repentants. Ils ont embrassé l'islam, ils sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni ra'aytu an uradda ilayhim sabiyahum. J'ai donc jugé bon de leur rendre leurs proches. J'ai donc jugé bon de leur rendre leurs proches. Puis, il les a encouragés à en faire de même, sans leur rendre cela obligatoire. Celui qui de plein cœur, yani de plein gré, de bon gré, souhaite en faire de même, qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'ils leur rendent, leurs proches. qui avait été fait captif. Et celui qui fait cela, lors de la prochaine conquête, on lui donnera du butin. On remplacera ce qu'il a restitué. Alors les croyants ont dit, nous agréons cela au messager d'Allah. Nous agréons cela au messager d'Allah. Donc les gens ont été d'accord, mais devant la multitude des voix qu'entendait le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, je ne sais pas qui parmi vous agrée cela et qui parmi vous ne l'agrée pas. Donc retournez à vos positions et que les connaisseurs parmi vous viennent auprès de moi par la suite. C'est-à-dire ceux qui connaissent les gens de la masse, ceux qui ont l'habitude de savoir ce qui se passe dans la société, ils passeront près de moi, ils m'informeront de ceux qui parmi vous sont d'accord. Dans un autre hadith, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, donc à ceux qui sont venus et se sont repentis, vos enfants, vos épouses sont plus aimés auprès de vous ou bien vos biens, allez votre argent, le bétail et autres. Ils ont répondu, ô messager d'Allah, nous choisissons plutôt nos proches, nos femmes, nos enfants, nous les aimons plus. Puis ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam de leur rendre. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur rendre de leurs biens. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, ce que j'ai obtenu moi ainsi que ma tribu, tout cela vous est restitué. Ce que j'ai reçu moi ainsi que ma tribu, tout cela vous est restitué. Yani tout ce qui a été donné, tout ce qui m'a été donné, et à Bani Abd al-Muttalib, précisément, tout cela on vous le rend. Puis il leur a dit, il va y avoir la prière du Dhuhr. Après la prière du Dhuhr, adressez-vous aux gens. Adressez-vous aux gens et demandez-le par mon intermédiaire. Demandez-le par mon intermédiaire. Et yani, adressez-vous à eux en disant, on vous demande par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de nous rendre telle et telle chose. Alors après le dhuhr, l'un d'eux ou plusieurs d'entre eux se sont levés et ils ont fait ce que le prophète alayhi salatu wassalam leur avait recommandé. Et il a dit à ce moment-là, tout ce que j'ai obtenu moi et Bani Abd al-Muttalib, on vous le restitue. On vous le restitue. Lorsque les Muhajirun ont entendu ça, ils ont dit au messager d'Allah, ce que nous avons obtenu nous aussi, on le remet au messager d'Allah. On le remet au messager d'Allah. Quand les Ansar ont entendu la parole de Muhajirin, ils se sont levés et ils ont dit au messager d'Allah, ce que nous avons obtenu, nous le rendons, ou nous le donnons au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Al-Aqra' ibn Habis radiallahu anhu, lui s'est levé et a dit, amma ana fala. Al-Aqra' radiallahu anhu a dit, quant à moi et ma tribu Banu Tamim, nous refusons. Le prophète sallam leur a donné le choix. Celui qui veut garder de son butin, il le garde. Celui qui veut le rendre, il le rend et on lui redonnera plus tard. Ensuite, Uyayna a dit, quant à moi et Banu Fizara, fala, yani aussi nous refusons. Puis, un homme qui s'appelle Abbas, pas l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, un autre, a dit, quant à moi et ma tribu Banu Sulay, fala, on refuse. Que s'est-il passé à ce moment-là? Des gens de Banu Sulaym se sont levés et ont dit, nous on accepte. Na'am. On rend cela au messager, nous donnons cela pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui nous appartient, c'est au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque L'homme a entendu cette parole, il leur a dit, Mada, vous m'avez affaibli. Yani le fait d'avoir réagi comme cela, ça a fait faiblir ma position. Vu que moi je m'étais avancé pour moi et vous-même. Comme quoi on refuse de rendre. Et vous, et voyez, et voici que vous, maintenant, vous rendez ce que vous avez pris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a encouragés à rendre ce qu'ils ont obtenu et beaucoup ont rendu. Dans d'autres textes, on trouve que Hawazin est venu voir le prophète alayhi salatu wa sallam et lui a dit, Ya Rasulallah, nous avons la même origine. Yani nahnu min aslin wahid. Nous avons les mêmes sources, nous avons les mêmes origines. Et tu as bien vu la difficulté qui nous a touchés et le malheur qui nous a touchés. Et ils ont mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses pour l'attendrir et pour l'adoucir. Ils ont mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses pour l'adoucir. Et parmi un homme qui s'appelle Zuhayr, qui s'était converti, radiallahu anhu. Et lui, il fait partie de Bani Sa'd. Il fait partie de Bani Sa'd. Et à quelle époque le prophète alayhi salatu wa sallam est à Bani Sa'd? En quelle époque? Lors de son allaitement. Naam, lors de son allaitement, il était chez Halima Sa'diya. Il était chez Bani Sa'd. Donc un homme de Bani Sa'd a dit, ô messager d'Allah, parmi ceux que tu as réunis, c'est-à-dire les gens du butin et les captifs, il y a tes oncles, il y a tes tantes, il y a tes proches, il y a, en faisant référence à ses oncles de lait, à ses tantes de lait, à ses frères de lait, et ainsi de suite. Yani lui rappelle que c'est l'endroit dans lequel tu as été allaité et il lui a mentionné beaucoup de choses. Puis, il s'est mis à prononcer certains vers de poésie très touchants et attendrissants. Au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ces paroles, yani ça l'a touché, il a dit fahuwa lakum. Yani tout cela est pour vous. Tout cela est pour vous. Et comme on l'a entendu, certains parmi les compagnons, eux, n'ont pas voulu yani rendre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait facilité. Omar ibn Khattab avait eu une part de captive. Et lorsqu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était comporté ainsi, il a appelé son fils Abdullah, radiallahu anhu, et il lui a dit de restituer ces deux personnes. Abdullah ibn Omar lui-même en a fait ou en fit de même. Radiallahu anhu. Certains parmi les Arabes, nouveaux convertis, et parmi les Bédouins, insistent et se montraient insistants auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui réclamaient le partage. Ils lui réclamaient le partage du butin. Et dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im, qui est apporté par l'imam al-Bukhari, radiallahu anhu wa rahimah, des gens se sont adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à resserrer sur lui leur position. Il y a du monde et ils avancent vers le prophète alayhi salatu wa sallam et ils lui réclament le partage jusqu'à passer près d'un arbre. Jusqu'à passer près d'un arbre. Et là, son rida, le vêtement qui couvre la partie haute du corps, s'est accroché au rida. Là, s'est accroché à l'arbre. Son vêtement s'est accroché à l'arbre. D'autres disent que ce sont eux, les bédouins, qui ont pris le rida du prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui dit, Ya Rasulallah, partage le butin. Ya Rasulallah, partage le butin. Et ça, c'est une chose qu'Allah met dans le cœur. Yani, des gens. Yani, ils aiment l'argent. Et ils aiment yani les richesses, c'est une chose que tout le monde trouve dans son cœur. Si ce n'est qu'ils se sont montrés insistants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc dit, يعني rendez-moi mon vêtement. نعم, rendez-moi mon vêtement. Puis il leur a dit, sachez que, يعني voyez-vous tous les arbres qui sont devant vous, si tout cela avait été du bétail et que tout cela avait été du butin, sachez que je l'aurais partagé entre vous. نعم, sachez que je l'aurais partagé entre vous et jamais vous ne me trouverez bakhilan, jamais vous ne me trouverez ava wala jabanan, et jamais vous ne me trouverez peureux. Naam, jamais vous ne me trouverez ava et jamais vous ne me trouverez jaban, yani ماذا peureux. Est-ce qu'il y a un autre terme? Lâche. À la kulli hal, cela est affirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici tu vois le comportement du prophète alayhi salat wa sallam, et la mansuétude qu'il avait envers eux, et l'endurance qu'il avait, et il supportait certains écarts de comportement de certains parmi les arabes, certains parmi les bédouins. Naam, ils avaient certains écarts de comportement vers le prophète alayhi salat wa sallam, du fait qu'ils vivaient eux retirés, et ils avaient moins de science et de connaissance des comportements qu'on doit observer devant le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'ils se sont montrés pressants vers le prophète alayhi salatu wassalam? Qui a une idée de cela? Pourquoi ils ont pressé le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il partage les richesses? Hein? De peur que la révélation descende? De peur qu'ils les rendent. Hada huwa. On a vu au début de l'histoire qu'ils, lorsqu'ils sont venus, se sont convertis, il leur a rendu la moitié déjà. Il leur a rendu leurs proches. Là, il leur reste l'argent. Donc, il disait, Ya Rasulallah, partage. Ya Rasulallah, partage. De peur qu'ils changent d'avis et qu'ils leur rendent aussi leur argent et que eux, finalement, yani, ils perdent aussi le reste du butin. Naam. Donc, ils l'ont un peu pressé. Ya Rasulallah, partage. Radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc partagé le butin. Et c'est un butin énorme. Vous vous souvenez au début de l'histoire de Hunay, la conquête, ou plutôt de l'expédition de Hunay, ils sont sortis avec tous leurs biens. Ils ont réuni tout leur bétail, ils ont réuni tous leurs proches. Donc le butin, lorsqu'il a été pris, il était très important. À la kulli hal, dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, rapporté par al-Bukhari, on trouve qu'il y a un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala tunjizu li ma wa'attani, ne vas-tu pas me préparer ce que tu m'as promis? Yani sa part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Abshir, réjouis-toi. Naam, réjouis-toi. Accepte la bonne nouvelle. Alors, le bédouin lui a répondu, Qad aktharta alayya min qawlika abshir. Il lui a répondu, tu m'as trop dit cette parole. Abshir, abshir. Naam. Ça a touché le prophète alayhi salat wa sallam d'entendre de sa part ces mots-là. Alors il est parti et s'est dirigé vers Abu Moussa al-Ash'ari, qui est en compagnie de Bilal. Abu Moussa, un des grands lecteurs du Coran et un noble compagnon, radiallahu anhu, était en compagnie de Bilal, le muadzin du prophète alayhi salat wa sallam. Le prophète alayhi salat wa sallam leur est venu et on voyait sur son visage la colère. On voyait sur son visage la colère des suites de ce qu'il avait entendu du bédouin. Alors, il leur a dit, c'est-à-dire à Abu Moussa et à Bilal, Abu Moussa est le rapporteur du hadith, il leur a dit, ce dernier a refusé la bonne nouvelle. Faqbala, acceptez-la donc, vous deux. Naam, ils ont répondu, Qabilna, ya Rasulallah. Nous acceptons le message d'Allah. Et là, tu vois la différence de degré entre eux. Et yani, certains parmi les sahaba, comme Abu Moussa, Bilal, Naam, et d'autres encore à un niveau plus haut, comme Abu Bakr, Omar, radiallahu anhum. Ils n'étaient pas tous au même niveau, les nouveaux convertis. Naam, al-A'rab, les bédouins habitant des campagnes, les plus proches du prophète, alayhi salat wa salam, les 10 promis au paradis et autres. Il y avait des différents niveaux entre eux. Immédiatement, Abu Moussa et Bilal ont dit, nous acceptons la bonne nouvelle. Nous acceptons la bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on lui apporte un récipient avec de l'eau. Puis il a lavé ses mains dans ce récipient. Puis il s'est lavé le visage et il a fait quelques gestes de l'eau. Puis il leur a dit, réjouissez-vous. Il a dit à Abu Moussa et à Bilal, réjouissez-vous. Il leur a donné cette eau et il leur a demandé de l'utiliser et d'en verser sur eux, sur leur visage, sur leur cou et ainsi de suite. Ils ont donc pris le récipient pour l'utiliser. En réalité, ça allait être une baraka pour eux. Umm Salama, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a entendu cela de derrière le voile. Elle a donc interpellé Abu Moussa ou bien Bilal et leur a dit, laissez à votre mère une part de cette eau. Quand elle a entendu les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, la bonne nouvelle et la baraka qu'il y allait avoir et ses actions, elle a espéré obtenir une part de cette baraka, une part de ce bien. Alors elle a dit, elle les a interpellés de derrière le voile. Elle leur a dit, gardez une part pour votre mère. Naam, gardez une part pour votre mère. Et elle n'a pas dit pour moi, elle a dit pour votre mère. Yani la personne qui entend ça, la mère, on ne peut pas refuser quelque chose à la mère. Naam, sauf en 2019, c'est à la base. On ne peut pas refuser à la mère. Sahulallah. La mère, si elle dit une chose, on ne peut pas refuser, ça n'existe pas. Naam, les gens n'ont pas connu cela. C'est qu'au jour d'aujourd'hui que ça existe de dire non, ou bien de répondre, ou de dire j'ai pas le temps, ou bien de ne pas connaître la place de la mère. Sinon, ce n'est pas une chose qui est connue. Naam, ça n'est pas une chose qui était connue. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala kulli hal, ils lui ont laissé une part, et tous trois, yani ces trois-là, radiallahu anhum, ont pu tirer grandement profit de cette eau. Et ça, c'est une chose qui est propre au prophète, alayhi salatu wassalam. J'entends par cela ce qu'on appelle al-barakatu dhatiyya, la bénédiction d'essence. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a mis sur sa personne la baraka. C'est-à-dire ses cheveux, sa sueur, sa salive, et ainsi de suite. Ceci n'est pas valable pour un saint, pour un pieux, pour un savant ou autre. Non. C'est que pour le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une baraka dhatiyya. Naam, une chose qui est restée au contact de sa peau, comme sa bague, par exemple. Naam. Donc, il y a eu le partage du butin. Et la chose la plus particulière qui s'est passée, la chose la plus particulière à retenir lors du partage, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le grand nombre de biens, n'a rien donné à qui? Aux Ansar. Il n'a rien donné aux Ansar, radiallahu anhum, qui sont les secoureurs de l'islam et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les gens forts et les gens fermes lors de la rencontre avec l'ennemi, qui sont ceux qui ont accueilli le prophète, alayhi salatu wassalam, et al-muhajirin. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré ça, ne leur a rien donné du butin. Lorsqu'il a partagé, il a donné un tel, 100 bêtes, puis un tel, 100 bêtes, puis un tel, 100 bêtes, puis un tel, moins d'une centaine, puis à tel groupe, puis aux muhajirin. Mais les Ansar, il ne leur a pas donné de part du butin. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant cela, Allah dans le Coran a fait les éloges de l'Ansar, le prophète, alayhi salatu wassalam, a tellement fait les éloges des Ansar qu'il a dit, Hubbuhum iman. Aimer les Ansar, c'est du iman. Subhanallah. Wa burduhum nifaq. Et détester les Ansar, c'est de l'hypocrisie. Détester les Ansar, c'est de l'hypocrisie. Falwayl, thumma alwayl rafida. Donc, malheur aux rafida qui détestent les Sahaba radiallahu anhu, et qui maudissent certains parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surah Al-Hashr, a fait les éloges des sahaba et de ceux qui sont venus après eux, qui aiment les sahaba, qui respectent les sahaba, qui ont le cœur pur à l'égard des sahaba et la langue propre à leur égard. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. Allah Azza wa Jal nous parle des Ansar et il nous montre qu'ils aiment ceux qui ont émigré envers et ils ne trouvent rien, yani dans leur cœur à leur égard ou à leur rencontre, et et ils dépensent pour eux même si eux-mêmes sont dans le besoin. Ils dépensent pour eux même si eux-mêmes sont dans le besoin. Vous reprendrez la traduction des sens dans Surat Al-Hashr. Après cela, Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, ceux qui sont venus après eux. Donc on a mentionné le Muhajirin, on a mentionné l'Ansar, puis on nous dit ceux qui sont venus après. نعم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ceux qui viennent après eux, quel est leur comportement? Ils font dua pour eux et ils n'ont rien dans le cœur contre les compagnons. نعم. Donc ces ansar là, on ne les mentionne qu'en bien et on les aime tous, tout croyant aime les ansar. Amma, celui qui déteste les Ansar, yani parmi eux, le Munafiqoun. Parmi eux, le Munafiqoun. Sinon, il n'y a pas un croyant qui entend parler des Ansar sans les aimer. Il n'y a pas un croyant qui entend Sahaba et ce qu'ils ont fait sans les aimer. Naam, quant à celui qui n'aime pas Sahaba, quant à celui qui déteste les Ansar encore plus particulièrement, Ada Munafiqoun. Ça, c'est un hypocrite. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien donné aux Ansar. Et on va voir la sagesse. Abdullah ibn Saoud raconte, comme c'est dans le Bukhari Muslim, il nous dit le jour de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné prévalence ou bien a privilégié certaines personnes lors du partage. Il a donné à l'Aqra' ibn Habis 100 chameaux. Il a donné à Uyayna la même chose, c'est-à-dire 100 chameaux. Et à d'autres grands de Quraysh, Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, des savants de l'histoire et de la biographie, a mentionné 12 personnes qui ont eu 100 chameaux. Donc c'est une richesse immense. On trouve aussi qu'il a donné aux Tulaqa. Qui sont les Tulaqa? Les nouveaux convertis après l'ouverture de la Mecque. Les nouveaux convertis après l'ouverture de la Mecque. Et il a donné aux Muhajirin une part également. Lorsqu'il a fait cela, c'était pour renforcer les nouveaux convertis. C'était pour renforcer les nouveaux convertis, ce qu'on appelle al-mu'allafatu qulubuhum. Naam, les nouveaux convertis, ceux dont yani on essaye de faire pencher vers la fermeté dans le din. Alors les Ansar ont été touchés par le partage du prophète alayhi salatu wassalam. Et on dit, comment se fait-il que nous n'obtenions pas de bienfaits, tout comme les autres ont obtenu des bienfaits? Et certains ont parlé, et ont dit différentes paroles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait donné à Abu Sufyan 100 chameaux. Il avait donné à Suhail ibn Amr 100 chameaux. Et il a donné à d'autres. Il a même donné moins que 100 chameaux à un homme. Il me semble que c'est Al-Abbas. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et a dit, tu as donné à Al-Aqra' 100. Tu as donné à Suhail 100. Pourquoi moi j'ai pas 100? Puis il lui a fait de la poésie. Naam. il a prononcé des vers de poésie. Quand le prophète sallam a entendu ces vers de poésie, il a dit complétez-lui au nombre de 100. Na'am. Ani, il s'est plaint dans les vers de poésie, il a argumenté pour qu'on lui augmente. Alors le prophète sallam, après avoir écouté ça, il a dit compléter à l'Abbas son chameau. Donc lui aussi, il a eu ses 100 chameaux. Avec tout ça, les Ansar, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien obtenu. On trouve dans le Bukhari Muslim et dans d'autres recueils de hadith que plusieurs paroles ont été prononcées par certains parmi l'Ansar radiallahu anhum. Parmi leurs paroles, إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةِ فَنَحْنُ نُدْعَى فَتُرَدُّ غَنَائِمُنَا إِلَى غَيْرِنَا ثُمَّ تُرَدُّ غَنَائِمُنَا إِلَى غَيْرِنَا. Lorsqu'il y a la difficulté, lorsque c'est une situation très yani, difficile, on est appelé, comme la bataille de Badr par exemple, la bataille de Uhud, l'ouverture de Mecca. Puis le butin est accordé à autrui. Yani, quand il y a un problème, c'est nous qu'on appelle. Et voilà que le butin, il est partagé chez les autres. Ça, c'est une parole qui a été prononcée. Parmi les paroles qui ont été prononcées, Wallahi inna hadha la'ajab. Par Allah, voici une chose très étonnante. Inna suyufana taqtiru ou taqtaru min dima'i Quraysh. Nos épées continue encore à goûter du sang de Quraysh. Yani la bataille. Yani combien de guerres il y a eu entre nous et Quraysh. Et nos épées, il y a encore le sang de Quraysh qui coule. Et voici que le butin, il aurait rendu. Une troisième parole. Yaghfirullahu li rasulillah. Qu'Allah pardonne au messager d'Allah. Yu'ti Quraishan. Il donne à Quraysh. Wa yatrukuna. Et il nous laisse nous, alors que nos épées coulent, goûtent du sang de leur sang, yani du sang de Quraysh. Donc toutes ces paroles ont été prononcées. Et dans un hadith, on nous dit jusqu'à ce que ces paroles ont commencé à se propager. En effet, c'est parvenu aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui ont poussé les Ansar à dire ces paroles-là? Ou certains parmi l'Ansar à dire ces paroles-là. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, a dit, la réponse elle est dans le hadith. L'avis prépondérant est dans le hadith. Wajadu fi anfusihim shay'a. Yani, ça les a touchés. Du fait qu'on partage le butin, et eux, que n'obtiennent pas, tout comme les autres ont obtenu. Tout simplement. Et ça, c'est une chose naturelle. Ça, c'est une chose tout à fait naturelle. Si on partage et on donne à tout le monde, et toi, on ne te donne pas, alors que tu as subi un lourd tribut, alors que tu as été présent dans les moments les plus difficiles, forcément ça va te toucher. D'autres ont dit, en réalité les Ansar, lorsqu'ils se sont exprimés ainsi, c'est par peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare son retour à Mecca. Par tristesse, ils ont dit ça, ils ont eu peur que le prophète alayhi salatu wa sallam agisse ainsi, car en réalité il va les quitter. Et en réalité, il va rester à Mecca, ou il va revenir à Mecca. Alors ça les a attristés, et c'est ce qui les a poussés à prononcer ces paroles. Ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est qu'ils ont été touchés parce que c'est venu dans le hadith. Naam, parce que c'est venu dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Sa'd ibn Ubad, hein, une des têtes de l'ensemble. Et il lui a dit, que m'est-il parvenu de vous, ya Sa'd? Est-ce vrai qu'ils ont dit ceci et cela? Le prophète sallam, Sa'ad lui a dit, c'est ce qui t'est parvenu au message d'Allah. Et il lui dit, ou bien dans un texte, il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, moi, je suis qu'un homme de mon peuple. Non. Il lui a dit, moi, je suis qu'un homme parmi les Ansar. Le prophète sallam a dit, réunis-moi les Ansar dans tel endroit. Et réunis-moi les Ansar dans tel endroit. Et avant ça, il a dit que personne n'assiste à la réunion. Que personne n'assiste à la réunion. Puis ils se sont réunis. Le prophète sallam a dit, est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui ne fait pas partie d'Ansar? Ils ont dit non, mais ça, là, si ce n'est lui, le fils de notre sœur, ou une parole semblable. Il a dit, le fils de la sœur, il fait partie, yani, du groupe. Ou comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit à Ansar, qu'est-ce que j'ai entendu, ô vous les Ansar? Qu'est-ce qui m'est parvenu de vous, ô vous les Ansar? Et il ne mentait pas. Naam, et l'Ansar, il ne mentait pas. Et même dans la difficulté la plus grande, il disait la vérité. Ils étaient véridiques. Et celui qui est véridique, Allah Azza wa Jalla le sauve toujours par sa véracité. Même si en apparence, il s'approche de l'halak, de la perdition, mais en réalité, c'est ce qui va le sauver, bi'idnillahi Azza wa Jalla. Alors que le kadhab, le menteur, le trompeur, en le regardant, tu penses qu'il s'en est sorti. Et tu penses qu'il est malin. Naam. Mais en vrai, c'est ce qui va causer sa perdition. Tôt ou tard. Le menteur, il est mafdouh. Le menteur, il est dévoilé tôt ou tard. Naam. Celui qui ment en montrant une chose et en cachant autre chose dans son cœur, il est mafdouh. Même si ça doit avoir lieu au dernier moment avant que les gens du paradis entrent au paradis et que les gens d'enfer entrent en enfer, comme ça va se passer pour les munafiqs. Yom al-qiyam, hein, on va accorder la lumière à chacun selon la foi qu'il avait dans ce bas monde. Et les autres, ils vont être plongés dans le noir. Et pour traverser, il faudra de cette lumière. Ils vont appeler les croyants, vont leur dire, attendez-nous. Onzuruna. Attendez-nous. Pour qu'on prenne de votre lumière. Naam. Et à ce moment-là, on va mettre une séparation entre eux. On va mettre une séparation. Et tout comme ils avaient cru ruser, tout ce temps-là dans ce bas monde, c'est eux qui vont recevoir cela. Et ceux qui vont être, yani, qui vont recevoir cela au final et au Qiyam. Donc, tôt ou tard, la personne, elle est dévoilée. Tôt ou tard, la personne, elle est dévoilée. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que, ماذا, que m'est-il parvenu de vous? Ils lui ont dit, c'est ce que tu as entendu au message d'Allah. Et les Ansar ne mentaient pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, أما ترضوا أن يذهب الناس بالدنيا وتذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم et vous obteniez en obtenant cette grande faveur et en rentrant avec lui dans vos demeures. Alors ils ont répondu, بلى يا رسول الله رضينا. Yani, le prophète sallam leur a dit, n'êtes-vous pas satisfait que les gens partent avec des choses de la dunya et que vous rentriez avec votre messager? Naam. N'êtes-vous pas satisfait de cela? Alors ils ont dit, certes, ô messager d'Allah, nous agréons cela, nous sommes satisfaits. Puis il a dit, لو سلك الناس واديا, si les gens avaient emprunté une vallée, وسلكت الأنصار شعبا, لأخذت شعب الأنصار. Elle est rapportée par le Bukhari Muslim. En gros, s'il y avait deux chemins, que les gens empruntent un chemin et l'Ansar un autre, moi j'aurais emprunté celui des Ansar. J'aurais emprunté celui des Ansar. Dans une autre version, Ala tardawna an yadhhaba an-nasu bish-sha'i wal-ibli wa tadhhabuna bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya rihalikum. N'êtes-vous pas satisfait? Est-ce que vous n'agrez pas que les gens repartent avec le bétail et ماذا, yani les bovins ou les ovins et les chameaux ou les camélidés comme on dit, il me semble, et que vous rentriez vous avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans vos demeures. Al ansar shi'ar wa an-nas dithar wa lawla al hijratu la kuntu mri'an min al-ansar. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, n'eût été léger, j'aurais été une personne parmi les ansar. Naam, j'aurais été une personne parmi les ansar. Le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué la sagesse qui n'a pas été perçue. Il a expliqué la sagesse qui n'a pas été perçue. Cette subtilité, pourquoi est-ce qu'il a donné aux gens? Il n'a rien donné aux Ansar. Inni u'ti qawman akhafu dhal'ahum wa jaza'ahum. Je donne à des gens, j'ai peur qu'ils soit touché ou qu'il se révolte. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى. Et je délaisse des gens, c'est-à-dire que je ne leur donne pas de par ce qu'Allah leur a donné, c'est-à-dire comme force de foi. C'est-à-dire, vous, je ne vous ai pas donné parce que vous êtes pieux pour moi. Vous, je ne vous ai pas donné parce que vous n'avez pas besoin d'être renforcé dans votre dîn en vous donnant de la dunya. Mais eux, ce sont des nouveaux convertis. C'est pour ça que je leur ai donné. Pour les affermir dans le dîn. Pour les renforcer dans le dîn en leur donnant de dunya. Naam. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a fait apparaître cette sagesse. Et il a fait leurs éloges. C'est-à-dire qu'eux avaient la richesse du cœur. Ce qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur du croyant. Il y avait parmi eux un homme qui s'appelle Amr ibn Taghlib. Un homme parmi l'Ansar qui a entendu les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Amr ibn Taghlib. Faqala Amr ibn Taghlib: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. سبحان الله. حديث rapporté par le Bukhari. Il a dit: je n'aurais pas aimé avoir les chamelles rousses en échange des paroles prononcées par le prophète عليه الصلاة والسلام. Les chamelles rousses étant les richesses les plus prisées chez les Arabes. C'était la richesse la plus recherchée chez les Arabes et la plus aimée. Cet homme, lorsqu'il a entendu les paroles du prophète alayhi salatu wassalam pour les Ansar, en faveur des Ansar, il a dit: je n'aurais pas aimé changer ces paroles contre toutes les richesses, contre les meilleures des richesses, contre les chamelles rousses. Il a également dit, comme c'est encore rapporté par le Bukhari Muslim: inna quraishan hadithu ahdin bi jahiliyyah. Ou avant ça, inni la u'ti rijalan hadithun ahduhum bi kufr. Je donne à des gens qui sont sortis de la mécréance il y a peu. C'est-à-dire, ce sont des tout nouveaux convertis. Je donne à ces gens-là. Et dans une autre version, toujours dans le Bukhari Muslim, Quraysh sont, yani, sont sortis il y a peu de la période anti-islamique. Et j'ai voulu à travers cela penser leur malheur. J'ai voulu à travers cela penser leur malheur et les tirer vers nous. Dans un autre texte, أَوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِكُمْ في لعاعتي من الدنيا فألفت بها قوما ليسوا أو ليسلموا. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose en vous, ô vous les Ansar? Est-ce que ça vous a touché ce que j'ai fait, ô vous les Ansar? Lorsque j'ai donné cette part de ce bas monde pour tirer ces gens vers l'islam. وَوَكَّلْتُكُمْ إِلَىٰ إِسْلَامِكُمْ. Quant à vous, je vous ai laissé vous reposer sur votre islam. C'est-à-dire, vous avez un islam qui est fort. Vous avez un iman, une foi qui est forte. Puis il a fait dua pour les Ansar. Et il a dit: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ. Ou Allah, aie pitié des Ansar. Ou fais miséricorde aux Ansar. Ainsi qu'aux enfants des Ansar. Ainsi qu'aux enfants des Ansar. Il a également dit: comme c'est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, inni la u'ti rajul. Je donne à un homme, c'est-à-dire lorsque je partage, wa ghayru ahabbu ilayya, alors que j'aime plus un autre. Yani, tu me vois que je lui donne beaucoup à lui alors que j'aime plus. Non. Tu me vois donner à un tel plus alors que j'aime plus un tel. Vous me voyez donner plus à un tel alors que j'aime plus autre. خَشْيَةً أَنْ يَكُبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِ. Allahu Akbar. De peur qu'il soit, qu'il culbute sur son visage en enfer. Subhanallah. Yani, par miséricorde pour lui, comme il est plus faible, je lui donne beaucoup pour qu'il reste, pour qu'il penche vers le din, pour qu'il rentre dans le din, et pour qu'il soit ferme dans le din, et pour qu'il ne veuille à mourir qu'en pleine soumission dans le din. Ce sont voix, yani, voici les sagesses du partage du prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, il y a une grande leçon. C'est que lorsque tu entends les ulama, et les connaisseurs, et ceux qui ont plus de science que toi, dire ou agir, et que toi, tu ignores la sagesse, ne te presse pas dans, yani, le fait de parler, de dénigrer, de rabaisser, de dire oui mais pourquoi, de te plaindre et de penser que leur niveau est moindre que celui que tu accordais auparavant. Non. Mais plutôt accuse ta propre personne d'ignorance. Pas ceux qui connaissent. Et certes, la divergence est souvent due à quoi? La différence dans la connaissance. Cheikh Saleh Al-Ishi, Hafidhahullah Ta'ala, a cité des exemples de ça. Il mentionne par exemple l'histoire de la création de Adam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal informa les anges qu'il allait créer une créature, l'humain, et qu'il allait, yani, lui donner tel rôle et ainsi de suite, les anges se sont étonnés. Au début de sourate al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَى وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Allah Azza wa Jalla les a informés de cela, qu'il allait créer Adam et qu'il allait avoir ceci et cela. Quelle fut leur réaction? Est-ce que tu vas mettre sur la terre des gens qui vont semer le désordre ou bien la corruption et vont faire couler le sang, alors que nous on fait que te sanctifier, proclamer ta pureté? Donc là, Allah Azza wa Jalla les informe d'une chose. Les anges répondent ainsi et ils sont étonnés. Ça, la suite, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Pourquoi est-ce que les anges ont dit ils vont répandre le désordre sur la terre et vont faire couler le sang? Certains savants ont dit parce qu'ils ont l'expérience des djinns auparavant. Parce que les djinns avaient été créés auparavant et les djinns avaient semé le désordre. Non? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réagi comme ça? Allah Azza wa Jalla avait une science, les anges ne l'avaient pas. Na'am, les anges ne l'avaient pas. Puis Allah a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Puis il a dit aux anges, yani, on a questionné les anges sur le nom des choses. On n'a aucune science sauf ce que tu nous as enseigné. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يعني à chaque fois on faisait rap, يعني on rattache la chose à la science, à la science, à la science. Dans l'histoire de Qarun, lorsqu'il est sorti, il se pavanait avec toutes ses richesses et ses bienfaits, rempli d'orgueil. Comment se sont comportés les ulama et comment se sont comportés les gens de la masse? Les ulama, ils l'ont fait de nasiha. La tafrah. Ne t'enorgueillis pas comme ça. Allah n'aime pas ces gens-là. Non. Comment sont comportés les gens de la masse, ceux qui n'ont pas la science? Ya laytalana. On aurait tant aimé être comme Qarun. Hein? Comme quand tu vois les jeunes du quartier, qui voient le vendeur de drogue qui passe avec une belle voiture. Hein? Et le voleur, et qui est redouté parce qu'il est dans le haram, et parce qu'il craint pas Allah. Et comme eux aussi, ils ont pas beaucoup peur d'Allah, Allah leur fait peur des créatures. Alors que ces grands voyous, eux, craignent les gens pieux. Comme eux, ils ont peur d'Allah, Allah leur fait peur des gens pieux. Hakada. Celui qui a peur d'Allah, Allah fera en sorte que tout le monde ait peur de lui. Et celui qui n'a pas peur d'Allah, Allah fera en sorte qu'il ait peur de tout le monde. Ça, c'est une règle, retenez-la. Alors les jeunes disent, on aurait tant aimé avoir là, yani la dernière voiture ou la kada, ou je connais pas bien les voitures. Naam. Bon, je ne vais pas citer d'exemple pour ne pas me ridiculiser, mais à la kulli hal, ils disent ça. Alors les gens doués de science leur disent non, ce n'est pas ça la vérité. Naam, la vérité, c'est la science utile, c'est les actions pieuses. Et ensuite, Allah te donne ou il te donne pas. Le plus important, faut que tu sois pieux. Faut que tu craignes Allah. Apprends le Coran, c'est la plus grande richesse, kada. Il dit, non, moi, je veux ça. Moi, je veux telle voie. Tu regardes lui, tout le monde autour de lui. Tout le monde vient vers lui. Mais ils viennent pas vers lui parce qu'ils aiment. Soit parce qu'ils ont peur d'un mal, qu'ils redoutent. Soit parce qu'ils espèrent un bien, qu'ils espèrent. Naam, c'est pas de la sincérité. Et tu les conseilles, ils t'écoutent pas. Le jour où des gens viennent et il est assassiné, ils disent, oh subhanallah, on a failli périr avec lui, si on avait été avec lui. Hein? Ou bien, il se fait attraper, il va en prison, il voit plus sa famille, ses enfants grandissent dans le haram, et il s'égare. Il dit, subhanallah, j'ai failli périr comme ça. Celui qui avait la science, 10 ans avant, il l'a conseillé. Et lui, ça n'est que 10 ans plus tard, lorsqu'il va en prison, lorsqu'il meurt, qu'il se réveille, il dit, oh là là, j'ai failli périr avec lui. Mais celui qui avait la science, il a vu ça depuis longtemps. Parce qu'il a expérience, parce qu'il a étudié, parce qu'il a lu, parce qu'il a vu des cas avant. Mais ce jeune-là, il pense qu'il est en avance et que l'autre, il est arriéré. T'inquiète pas, moi, je suis trop intelligent. Moi, j'ai fait tant et tant de coups et on m'attrape jamais. Tous, ils se pensent plus intelligents. Mais en réalité, on les laisse se complaire dans le haram pour mieux les châtier à la fin. Pour mieux les châtier à la fin. Subhanallah. Et si Allah veut le bien à certains d'entre eux, il leur arrive un malheur, ils se repentent des suites de ce malheur. Et ils reviennent repentant Allah Azza wa Jal. Et ils servent d'exemple par la suite aux jeunes après eux. Et ils sont une minorité malheureusement. Ils sont une minorité malheureusement, mais alhamdulillah. J'ai cité l'exemple car on est à côté du quartier, ou dedans même. Alhamdulillah, il khair wal baraka. Naam, meilleur qu'en plein Paris. Naam. Et malgré ça, alhamdulillah, il khair mawjoud. Énormément de gens bien qui sortent du quartier, énormément de gens de bien qui enseignent, qui sont d'ici. On va pas faire la généralité de que certains font, qui est très erronée. On revient à notre sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné la sagesse de son partage. Quand les Ansar ont compris la sagesse de son partage, l'action qui auparavant a été pénible à supporter, elle s'est transformée en grand bienfait. Et en une chose qu'ils n'auraient pas aimé échanger contre quoi? Contre les chamelles rousses. Naam, contre les chamelles rousses. Et on ajoute à cela les da'awat, les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour eux. Donc ici on voit encore la mansuétude, la douceur, la rahma du prophète alayhi salatu wa sallam pour sa communauté. Dans lequel l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, on trouve encore plus que cela. C'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, oh vous les Ansar, yani il leur a parlé, à la fin ils ont pleuré. Et ils ont dit, wallah, Allah et son messager nous ont donné encore plus que ça. Yani ils ont encore plus de mérite pour nous, sur nous plutôt. Yani amen. Wallahi, oh messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné encore plus. Wallahi, au message d'Allah, tu as fait pour nous encore plus. Et ils ont regretté amèrement leurs propos. Et sachez que c'est une, pas seulement des Ansar qui ont prononcé ces paroles, pas tous les Ansar. Non, pas tous les Ansar. Ravina bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qisman wa hadha. Dans le hadith, il nous a même mentionné qu'ils ont dit, nous sommes satisfaits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le partage et pour la part. Naam, on agrée tout ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait, nous en sommes satisfaits. On trouve dans les textes, إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. يعني pour vous voir, pour vous faire montrer l'effet que ça a, cette sagesse du prophète عليه الصلاة والسلام est donnée de la dunya à un tel. On trouvait que l'homme rentrait en islam et que dans ses premiers pas il voulait la dunya. Naam, il rentre dans l'islam, sa situation elle change, masha'Allah. Naam, il a des bienfaits, il devient riche, il est content. Et la suite, فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. Il rentre en islam et voici que cet islam devient plus cher à son cœur, à son être, que toute la dunya est ce qu'elle renferme. Que toute la dunya est ce qu'elle renferme. Na'am. La personne, elle rentre dans l'islam. Je vous donne un exemple. Un tel veut telle femme. On lui dit, on ne marie pas aux non-musulmans les femmes musulmanes. Alors il dit, donc c'est impossible. On dit, si tu te convertis, tu pourras l'épouser. Et lui, il veut cette femme-là. Son cœur est rattaché, il n'arrive pas à dormir sans penser à cette femme-là. Alors il dit, c'est quoi l'islam? Expliquez-moi, c'est quoi l'islam? On lui dit, l'islam, tu adores une divinité unique, c'est Allah, le Seigneur des mondes. Celui qui t'a créé toi et tout ce que tu possèdes. Celui qui, lorsque tu es malade, c'est lui qui te guérit. Na'am. Ce que t'aimes, c'est Allah qui te les a créés, tes parents. Tout ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. Et tu lui expliques que c'est celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, celui qui est omnipotent, qui sait tout, qui connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le seul qui mérite l'adoration. Il dit, c'est vrai. Dit, c'est quoi encore l'islam? On lui dit, c'est croire au message d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète arabe qui a été envoyé à l'ensemble des mondes. C'est la mère des créatures, le dernier prophète et message. Celui qui le suit, il rentre au paradis. Celui qui ne le suit pas, il rentre en enfer. Et on croit aussi aux messagers qui sont venus avant lui, comme Isa, comme Moussa et autres. Alayhim assalam. Il dit, naam, c'est bien l'islam. On lui dit, et on lui explique, et on lui explique. Alors il dit, je veux me convertir à l'islam. À la base, ce qui l'a fait se questionner sur cet islam, c'est cette femme. Naam. Cette femme, peut-être, elle est même pas bien dans le dîn. Ensuite, il rentre dans l'islam. On lui dit, Allah Azza wa Jal t'a prescrit 5 prières de jour comme de nuit. Il dit, c'est quoi la prière? On lui dit, c'est le lien solide entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lecture, le Coran, c'est l'inclinaison, l'immensification d'Allah, la prosternation. Tu te rapproches d'Allah, tout ce que tu demandes à Allah, il t'entend, il te donne, ou kada. Il dit, c'est trop bien la salat. Comment est-ce qu'on fait salat? Faut faire le wudu. C'est quoi le wudu? On lui apprend le wudu. Il dit, mais l'islam, c'est la propreté, c'est bien l'islam. L'islam, c'est la salat. Ensuite, Ramadan arrive, on lui dit, pendant un mois, tu t'éloignes de la femme, de telle heure à telle heure, et tu jeûnes, et tu fais ça, tu fais ça. Et il commence à apprendre l'islam. Puis il regarde cette femme, il regarde l'islam. Il dit, mais l'islam, c'est trop bien l'islam. Et au final, il dépasse cette femme dans le dîn. Alors qu'à la base, il est rentré dans l'islam pour cette femme. Cette femme, elle prend en retard, lui, il prend à l'heure. Naam. Puis il dit, faut aller à l'Amra. Cette femme, elle dit, je suis pas prête. Il dit, moi, je vais à l'Amra. Après, on lui dit, il y a le Hajj dans l'islam, 5e pilier de l'islam. Il dit, je vais au Hajj. Je dis à son épouse, on va au Hajj. Elle dit, non. Il va au Hajj. À la base, subhanallah, il est rentré en islam pour cette femme. Mais l'islam, il est rentré dans son cœur, il a pénétré son cœur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte que cet islam devienne plus aimé auprès de lui que toute autre chose. Ah, quand la personne, elle rentre dans le dîn, à la base, il y a une cause mondaine. Mais quand il goûte à l'islam, et quand il s'imprègne réellement de l'islam et qu'il connaît réellement l'islam, alors Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Et lui fait aimer l'ikhlas, la sincérité et la véracité dans le culte. Certes, ça a eu un effet sur le cœur de certains nouveaux convertis. À un point où certains d'entre eux ont dit, Wallah, avant cela, il n'y avait pas un visage que de détester plus que le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a peu de temps, c'était la guerre entre eux. Il dit, c'était mon ennemi déclaré, je détestais plus que tout. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné ce qu'il a donné, alors ils ont dit, maintenant c'est celui que j'aime le plus. Naam, c'est celui que j'aime le plus. Dans le hadith, on trouve que Safwan ibn Umayya a dit, Wallahi, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma a'tani. Je jure par Allah que le messager d'Allah m'a donné la part qu'il m'a accordée. Wa innahu la abghadu an-nasi ilay. Et c'était celui que je détestais le plus. ما برح يعطيني حتى إنه لحب الناس إلي. Et il n'a cessé de me donner jusqu'à devenir celui que j'aime le plus. Ça, c'est un phénomène naturel. C'est que le cœur penche vers celui qui lui donne, vers celui qui est bienfaisant. Naam. Le cœur penche vers celui qui est envers lui bienfaisant. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Hakim ibn Hizam. Et un de ceux à qui le prophète sallam a donné beaucoup. Il me semble 100 chameaux. Mais à chaque fois que le Prophète lui donnait, à chaque fois que le Prophète lui donnait, il lui disait rajoute-moi. Alors le Prophète lui rajoutait. Il lui disait rajoute-moi, le Prophète lui donnait. Et il n'a cessé de lui demander jusqu'à que le Prophète l'ait exhorté. Il lui a fait une exhortation, il l'a conseillé. Il lui a dit, « Ya Hakim, inna hadha al-mal, khabirun hulwun, fa man akhadahu bi sakhawati nafsin, burika lahu fi. Wa man akhadahu bi ishrafi nafsin, lam yubarik lahu fi. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. » Il lui a dit, il lui a fait une exhortation dont le résumé est que cette dunya-là, yani c'est une belle parure. Celui qui le prend, on lui donne de bon gré, il y aura la baraka dedans. Dans le cas contraire, il n'y aura pas la baraka, il sera comme celui qui mange beaucoup mais qui n'est jamais rassasié. Et la main supérieure, la main qui donne, est meilleure que la main inférieure, la main qui reçoit. Barakallahu fikoum. Cette exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hakim ibn Hizam l'a énormément touché. Et des suites de cette exhortation, écoutez sa parole. Le hadith rapporté dans le Bukhari Muslim. فقال حكيم رضي الله عنه والذي بعثك بالحق je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité c'est-à-dire Allah لا أرزا أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا il a juré par Allah que plus jamais il demanderait quelque chose à une personne jusqu'à quitter ce bas monde jusqu'à quitter ce bas monde فَلَمْ يَأْخُذْ عَطَاءَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تُوفِي Après ça, il n'acceptait pas même la part qui lui revenait de droit de Bayt al-Mal. On est des richesses des musulmans qu'on donne à certaines personnes. Même ça, il refusait. Subhanallah. C'est pas seulement, yani il s'est pas contenté de ne plus demander. C'est que même lorsqu'on lui donnait des choses qui lui revenaient de droit, il les refusait. Et parmi les événements qu'il y a eu lors du partage, la parole grave d'un bédouin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a partagé, il y a un homme qui est venu, un bédouin, et il a dit à Muhammad, « I'dil, ô Muhammad, sois juste, sois équitable. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Waihak, malheur à toi, waïlak, malheur à toi, wa ma ya'dil, idha lam akun a'dil. » Et qui pourrait être équitable si je ne le suis pas moi-même ?« Laqad khibta wa khasirt, illam akun a'dil. » Tu as certes péri et perdu si je n'ai pas été juste. « Fasta'dana Omar. » Omar ibn Khattab radiallahu anhu, après avoir entendu cette critique déplacée et gravissime, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi darbi unuqi. Il a demandé au prophète sallam la permission de se débarrasser de lui. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'ad Allah, qu'Allah me préserve, ayatahaddath an-nas an yaqtulu ashabi, qu'Allah me préserve d'être la cause que les gens racontent que j'assassine mes propres compagnons. Puis, le prophète alayhi salatu wassalam a informé que de la descendance de cet homme, il y allait avoir des gens qui vont transgresser dans la religion d'Allah, innover dans la religion d'Allah. Ces gens-là sont les khawarij. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha wa ashabahu yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahu yamruquna minhu kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ. Ça, c'est dans une autre riwaya. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, sortira de la descendance de cet homme, ou bien dans une autre version, cet homme, ainsi que ses compagnons, lisent le Coran. Mais ça ne dépasse pas cet endroit-là. Et ils sortent de la religion comme la flèche transperce la proie. Dans d'autres textes, ils assassinent les gens de l'islam et ils laissent les païens ou autres. Si je les atteins, c'est-à-dire ces khawarij-là, ceux qui sèment le désordre sur la terre et le terrorisme et autres, je me chargerai moi-même d'eux pour en finir avec eux comme Aad. Et plusieurs de leurs descriptifs est venu dans des hadiths. Ils sont jeunes, ils ont de l'excès. Et encore d'autres choses mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a propagé ou a partagé le butin. Et ils se sont tellement mis autour de lui que son vêtement a été enlevé. Il y a un homme qui est venu, qui a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, « Ya Rasulallah, ordonne à ce qu'on me donne une part. Ordonne à ce qu'on me donne une part. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers lui, il l'a regardé, il a ri. Il est devant le comportement du bédouin. Puis il a dit, « Donnez-lui une part. » Tout ça, ça te montre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les débutants, envers les bédouins et ceux qui n'ont pas encore appris et n'ont pas encore appris le bon comportement. Ils sont comme ça qu'il convient de se comporter envers les nouveaux, envers les débutants, même envers les nouveaux qui viennent au masjid et qui ne connaissent pas encore le comportement adopté, ou envers les enfants. Ils font des erreurs mais ils ne connaissent pas encore. Il convient de leur enseigner, il convient d'être doux et de leur faire aimer le fait de venir à la mosquée. Et après ce partage, il y a eu donc le peuple de Hawazin qui est venu et qui s'est converti à l'islam et qui a réclamé ses biens. Mais le prophète alayhi salatu wassalam les a informés, leur a dit qu'il les a attendus un nombre de jours, mais ils ont tardé. Donc cela a été partagé. Wa sallallahu wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On arrive proche de la fin de l'étude de la sira du prophète عليه الصلاة والسلام. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide à finir pour Ramadan. Il y a la grande expédition de Tabuk et encore d'autres événements. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.